17. Je m'entête 16, j'ai l'air à l'aise. 15. J'espère rester mince. 14. C'est comme une entorse. 13. Je n'ai pas l'air à l'aise. 12. Un coup de blues. 11. Je suis de bronze. J'ai encore du sursis. 9, ça fait bien devant les meufs. 8, j'ai encore pris une cuite. 7, plus que 6 et j'arrête. 6, du paquet je te hisse. 5, on trinque. 4, je me plie en 4. 3, il était une fois. 2, t'as du feu. 1, je chante encore ce refrain.